Arthur par Alphonse Daudet. Il y a quelques années, j'habitais un petit pavillon aux Champs-Élysées, dans le passage des 12 maisons. Figurez-vous un coin de faubourg perdu, niché au milieu de ces grandes avenues aristocratiques, si froides, si tranquilles, qu'il semble qu'on n'y passe qu'en voiture. Je ne sais quel caprice de propriétaire, quelle manie d'avare ou de vieux, laissait traîner ainsi au cœur de ce beau quartier ces terrains vagues, ces petits jardins moisis, ces maisons basses, bâties de travers, avec l'escalier en dehors et les terrasses de bois pleines de linge étendu, de cages à lapins, de chats maigres, de courbois apprivoisés. Il y avait là des ménages d'ouvriers, de petits rentiers, quelques artistes, on en trouve partout où il reste des arbres, et enfin deux ou trois garnis d'aspect sordide, comme encrassés par des générations de misère. Tout autour, la splendeur et le bruit des Champs-Élysées. Un roulement continu, un cliquetis de harnais et de pas fringants, les portes cochères lourdement refermées, les calèches ébranlant les porches, des pianos étouffés, les violons de Mabille, un horizon de grands hôtels muets, aux angles arrondis, avec leurs vitres nuancées par des rideaux de soie claire, et leur haute glace sans teint, où montent les dorures des candélabres et les fleurs rares des jardinières. Cette ruelle noire des 12 maisons, éclairée seulement d'un réverbère au bout, était comme la coulisse du beau décor environnant. Tout ce qu'il y avait de paillon dans ce luxe venait se réfugier là. Galons de livrée, maillots de clown, toute une bohème de palefreniers anglais, des cuillers du cirque, les deux petits postillons de l'hippodrome avec leurs poneys jumeaux et leurs affiches réclames, la voiture aux chèvres, les guignols, les marchands d'oubli, et puis les tribus d'aveugles qui revenaient le soir, chargés de pliants, d'accordéons, de sébiles. Un de ces aveugles se maria pendant que j'habitais le passage. Cela nous valut toute la nuit un concert fantastique de clarinettes, de hautbois, d'orgues, d'accordéons, où l'on voyait très bien défiler tous les ponts de Paris avec leurs psalmodies différentes. À l'ordinaire, cependant, le passage était assez tranquille. Ces errants de la rue ne rentraient qu'à la brune, et si là. Il n'y avait de tapage que le samedi, lorsqu'Arthur touchait sa paye. C'était mon voisin, cet Arthur. Un petit mur allongé d'un treillage séparait seul mon pavillon du garni qu'il habitait avec sa femme. Aussi, bien malgré moi, sa vie se trouvait-elle mêlée à la mienne, et tous les samedis j'entendais, sans en rien perdre, l'horrible drame si parisien qu'il se jouait dans ce ménage d'ouvriers. Cela commençait toujours de la même façon. La femme préparait de dîner, les enfants tournaient autour d'elle, elle leur parlait doucement, s'affairait. 7 heures, 8 heures. Personne. À mesure que le temps se passait, sa voix changeait, roulait des larmes, devenait nerveuse. Les enfants avaient faim, sommeil, commençaient à grogner. L'homme n'arrivait toujours pas. On mangeait sans lui. Puis, la marmaille couchée, le poulailler endormi, elle venait sur le balcon de bois, et je l'entendais dire tout bas en sanglotant « Oh, la canaille, la canaille !» Des voisins qui rentraient la trouvaient là, on la plaignait. « Allez donc vous coucher, Madame Arthur, vous savez bien qu'il ne rentrera pas, puisque c'est le jour de paye. » Et des conseils, des commérages. « À votre place, voilà comment je ferai. Pourquoi ne le dites-vous pas à son patron ?» Tous ces apitoiements la faisaient pleurer davantage, mais elle persistait dans son espoir, dans son attente, s'y énervait, et les portes fermées, le passage muet, se croyant bien seule, restait accoudée là. Ramassait toutes dans une idée fixe, se racontant à elle-même et très haut ses tristesses, avec ce laisser-aller du peuple qui a toujours une moitié de sa vie dans la rue. C'était des loyers en retard, les fournisseurs qui la tourmentaient, le boulanger qui refusait le pain. Comment ferait-elle s'il rentrait encore sans argent? À la fin, la lassitude la prenait de guetter les pas attardés, de compter les heures. Elle rentrait. Mais longtemps après, quand je croyais tout fini, on toussait près de moi sur la galerie. Elle était encore là, la malheureuse, ramenée par l'inquiétude, se tuant les yeux à regarder dans cette ruelle noire et n'y voyant que sa détresse. Vers 1 heure, 2 heures, quelquefois plus tard, on chantait au bout du passage. C'était Arthur qui rentrait. Le plus souvent, il se faisait accompagner, traîner un camarade jusqu'à sa porte. « Viens donc, viens donc !» Et même là, il flânait encore, ne pouvait se décider à rentrer, sachant bien ce qu'il attendait chez lui. En montant l'escalier, le silence de la maison endormie qui lui renvoyait son pas lourd le gênait comme un remords. Il parlait seul, tout haut, s'arrêtant devant chaque taudis. « Bonsoir, Mme Weber. Bonsoir, Mme Mathieu. » Et si on ne lui répondait pas, c'était une bordée d'injures. jusqu'au moment où toutes les portes, toutes les fenêtres s'ouvraient pour lui renvoyer ses malédictions. C'est ce qu'il demandait. Son vin aimait le train, les querelles. Et puis, comme cela, il s'échauffait, arrivait en colère, et sa rentrée lui faisait moins peur. Elle était terrible, cette rentrée. « Ouvre, c'est moi !» J'entendais les pieds nus de la femme sur le carreau, le frottement des allumettes, et l'homme qui, dès en rentrant, essayait de bégayer une histoire toujours la même. Les camarades, l'entraînement. « Chose, tu sais bien, chose qui travaille au chemin de fer. » La femme ne l'écoutait pas. « Et l'argent ?»« J'en ai plus, » disait la voix d'Arthur. « Tu mens !» Il mentait en effet. Même dans l'entraînement du vin, il réservait toujours quelques sous, pensant d'avance à la soif du lundi. Et c'est ce restant de paye qu'elle essayait de lui arracher. Arthur se débattait. « Puisque je te dis que j'ai tout bu » criait-il. Sans répondre, elle s'accrocha à lui de toute son indignation, de tous ses nerfs, le secouait, le fouillait, retournait ses poches. Au bout d'un moment, j'entendais l'argent qui roulait par terre, la femme se jetant dessus avec un rire de triomphe. « Ah, tu vois bien !» Puis un juron, des coups sourds. C'est l'ivrogne qui se vengeait. Une fois en train de battre, il ne s'arrêtait plus. Tout ce qu'il y a de mauvais, de destructeur dans ces affreux vins de barrière, lui montait au cerveau et voulait sortir. La femme hurlait. Les derniers meubles du bouge volaient en éclats. Les enfants réveillés en sursaut pleuraient de peur. Dans le passage, les fenêtres s'ouvraient. On disait « C'est Arthur, c'est Arthur !» Quelquefois aussi, le beau-père, un vieux chiffonnier qui logeait dans le garni voisin, venait au secours de sa fille. Mais Arthur s'enfermait à clé pour ne pas être dérangé dans son opération. Alors, à travers la serrure, un dialogue effrayant s'engageait entre le beau-père et le gendre, et nous en apprenions de belles. « Tu en as donc pas assez de tes 2 ans de prison, bandit ?» criait le vieux. Et l'ivrogne, d'un ton superbe. « Eh ben oui, j'ai fait 2 ans de prison et puis après. Au moins, moi j'ai payé ma dette à la société, tâche donc de payer la tienne. » Cela lui paraissait tout simple. J'ai volé, vous m'avez mis en prison, nous sommes quittes. Mais tout de même, si le vieux insistait trop là-dessus, Arthur impatienté ouvrait sa porte, tombait sur le beau-père, la belle-mère, les voisins, et battait tout le monde comme Polichinelle. Ce n'était pourtant pas un méchant homme. Bien souvent le dimanche, au lendemain d'une de ses tueries, l'ivrogne apaisé, sans le sou pour aller boire, passait la journée chez lui. On sortait les chaises des chambres, on s'installait sur le balcon, Mme Weber, Mme Mathieu, tout le garni, et l'on causait. Arthur faisait l'aimable, le bel esprit. Vous auriez dit un de ces ouvriers modèles qui suivent les cours du soir. Il prenait pour parler une voix blanche, doucereuse, déclamait des bouts d'idées ramassées un peu partout, sur les droits de l'ouvrier, la tyrannie du capital. Sa pauvre femme, attendrie par les coups de la veille, le regardait avec admiration. Mais ce n'était pas la seule. Cet Arthur, pourtant, s'il voulait, murmurait Mme Weber en soupirant. Ensuite, ces dames le faisaient chanter. Il chantait les hirondelles de M. de Bélanger. Oh, cette voix de gorge, pleine de fausses larmes, le sentimentalisme bête de l'ouvrier. Sous la véranda moisie, en papier goudronné, les guenilles étendues laissaient passer un coin de ciel bleu entre les cordes. Et toute cette crapule affamée d'idéal à sa manière tournait là-haut ses yeux mouillés. Tout cela n'empêchait pas que le samedi suivant, Arthur mangeait sa paye, battait sa femme et qu'il y avait là, dans ce bouge, un tas d'autres petits Arthur n'attendant que d'avoir l'âge de leur père pour manger leur paye, battre leur femme. Et c'est cette race-là qui voudrait gouverner le monde. Ah, maladie ! Comme disaient mes voisins du passage. C'était Arthur par Alphonse Daudet.